La session plénière du comité central du parti chandoïste Chongwu a eu lieu le 14 à Pyongyang en présence des membres titulaires et suppléants du comité central et du comité directeur central de l'église chandoïste de Corée. La réunion a porté sur les mesures pour soutenir et appliquer la ligne et l'orientation originale avancée par le maréchal Kim Jong-un en matière d'orientation nationale lors du 7e congrès du Parti Travail de Corée. Les orateurs ont estimé la ligne et l'orientation avancée par le maréchal, patriote sans égal et guide de la réunification de la patrie, comme l'expression de sa volonté immuable d'édifier à tout prix une puissance réunifiée prestigieuse et prospère, en suivant le noble dessein du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, et comme le programme commun de la nation qui éclaire la voie pour l'unité nationale. Ils ont déclaré que le parti chandoïste Chongwu témoigne du soutien absolu à la ligne et à l'orientation avancée par le maréchal, Dieu de la nation, car assurer une paix durable dans la péninsule coréenne, réunifier la patrie sous forme fédérale et édifier une puissance prospère sous le drapeau de l'indépendance nationale et de la grande union nationale reviennent à réaliser l'idéal du chandoïsme. Défense de la patrie, sécurité du peuple et paradis terrestre. La réunion a adopté une résolution et décidé d'envoyer des lettres aux formations sud-coréennes.